Le courage. Lors du débarquement en Égypte, quand le roi apprit que l'enseigne de Saint-Denis était à terre, il traversa son vaisseau à grandes enjambées et, en dépit du légat qui était avec lui, il ne voulut jamais rester en arrière de l'enseigne, mais s'élança dans la mer, où il eut de l'eau jusqu'aux aisselles. Et, l'écu pendu au cou, le homme en tête et la lance en main, il avança jusqu'à ses hommes qui étaient sur le rivage de la mer. Quand il arriva à terre et qu'il aperçut les Sarrasins, il demanda quels gens c'étaient. On lui dit que c'étaient les Sarrasins. Alors, il mit sa lance sous son aisselle et son écu devant lui, et il eût couru sus aux Sarrasins si ses prud'hommes, qui étaient avec lui, l'eussent souffert. On dit que nous étions tous perdus jusqu'au dernier dès cette journée si le roi n'eût donné de sa personne. Car le sire de Courtenay et monseigneur Jean de Saillonnet me contèrent que six Turcs, saisissant son cheval par le frein, emmenaient le roi prisonnier. Mais lui, tout seul, se défit d'eux à grands coups d'épée qu'il leur donna. Et quand ces gens virent que le roi se défendait de la sorte, ils reprirent courage, et plusieurs d'entre eux, laissant le passage du fleuve, se portèrent vers le roi pour l'aider.